À l'occasion du mois de solidarité internationale avec le peuple coréen, le Comité national d'études des étudiants du Congo démocratique a publié le 23 courant dans son homepage d'Internet un écrit dénonçant que la guerre de Corée a été déclenchée par l'armée sud-coréenne à l'instigation des États-Unis, alors que l'organe du nouveau parti communiste britannique, The New Voker, en date du 20 juin, un écrit contre la gouvernante sud-coréenne Park Geun-hye, qui a mis en cause à tort et à travers notre dissuasion nucléaire.